بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 43 49 حديث توجور دون كتاب الصلاة. يقول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، ركض النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق لأمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة فيها أو هذه الساعة. نعم، donc selon Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه que le Nabi صلى الله عليه وسلم avait retardé la salat du Isha. Donc Omar s'est rendu auprès de lui et lui a dit, en lui rappelant la salat au message d'Allah, les femmes et les enfants se sont endormis, ils somnolent. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec sa tête qui dégoulinait, avec de l'eau qui dégoulinait de sa tête. Alors, la tête mouillée. Et en disant, si jamais je ne craignais d'alourdir à ma communauté ou sur les gens, je leur aurais ordonné cette salate à cette heure-là. Je leur aurais ordonné cette salate, c'est-à-dire celle du Isha, à cette heure-là. Naam. Fayaqul fadilat al-shaykh ibn al-Uthaymeen, rahmallahu ta'ala. Al-Rawi, le rapporteur, c'est Abdullah ibn Abbas. رضي الله عنهما سبقت ترجمته في الحديث رقم 16. Donc le rapporteur c'est Abdullah ibn Abbas et sa ترجمه, sa biographie résumée a été citée dans le 16e hadith. موضوع الحديث بيان حكم تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها. Donc maintenant le sujet du hadith c'est de montrer le jugement du fait de retarder la salat du Isha de son premier temps, la faire plus tard que le début de son temps. Qu'en est-il ? أولا يقول الشرح الإجمالي, le sens global du hadith. يحدث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر ذات ليلة صلاة العشاء حتى رقد من يحتمل السهر من النساء والصبيان. Donc ابن عباس nous raconte que le Nabi صلى الله عليه وسلم une nuit a tardé à faire le Isha à tel point que les gens qui ont du mal à tenir éveillés, le soir, se sont endormis, comme les femmes et les enfants. فخرج عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناديه للصلاة ويعتذر إليه من استرجاله إياه بأن ذلك من أجل أن النساء والصبيان رقدوا. Ensuite, Omar est sorti pour l'appeler et pour s'excuser auprès de lui, de le presser à faire la salat. Et que la cause de cela, c'est que les femmes et les enfants se sont endormis. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه يقطر ما وبين أنه لولا الصعوبة على الأمة لألزمهم بتأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل. Ensuite, le Nabi صلى الله عليه وسلم est sorti de chez lui avec la tête qui dégouline d'eau. Et en disant, ce n'était pas par crainte de la difficulté que cela pourrait faire subir aux gens, à sa communauté, il leur aurait ordonné de retarder la salate jusqu'à ce premier tiers de la nuit. Là, c'est le premier tiers de la nuit. C'est-à-dire, la nuit, tu la divises en trois. Là, c'est la première partie. ثم يقول في فوائد الحديث, enseignement utile du hadith. يقول أن الأفضل تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل. Que le meilleur, c'est de retarder la salat du Isha jusqu'à la fin du premier tiers de la nuit, si cela n'engendre pas de difficulté pour les gens. Ça, c'est la première. Thanien, jawaz, hudur, al-nisa, wa-sibyan, salat al-jama'a, puis masjid. Qu'il est permis aux enfants et aux femmes, justement, de se rendre au masjid pour la salat al-jama'a. Ce hadith le démontre. ثالثا جواز النوم قبل العشاء لمن غلبه النوم إذا أمن الفوات et qu'il est permis maintenant de dormir avant le Isha pour celui qui serait qui ferait preuve de somnolence, c'est-à-dire que le sommeil l'emporte tant qu'il est à l'abri de manquer la salat ou de ne pas manquer la salat plutôt, car dans un hadith précédent on avait dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam détestait dormir avant le Isha. Mais on a dit, ça c'est une chose qui peut parfois être malgré toi, comme c'est le cas là dans ce hadith. Les gens sont endormis malgré eux, du fait que le Nabi sallam a tardé et qu'ils étaient fatigués. Mais c'était dans le masjid, donc prêt à faire la salat dès que celle-ci elle aurait été accomplie. يقول جواز استدعاء الإمام إلى الصلاة وإن كان كبيرا إذا تأخر. Qu'il est permis justement d'appeler l'imam pour faire la salat, si jamais, même si c'est quelqu'un de grand, si jamais il tarde pour lui rappeler, il se peut qu'il soit occupé, qu'il ait oublié ou une chose, ou qu'il ait un problème, donc les gens lui demandent. Et kazalik, il est permis que s'il ne puisse pas le faire, que quelqu'un le remplace. Ou des fois, on voit les imams eux-mêmes le disent. Si jamais à telle heure, je tarde, par exemple, de 10 minutes après l'heure, que Foulen, un tel, s'avance et préside la salat à ma place, par exemple. Ou à kaza. Khamisan, rafatun nabi sallallahu alayhi wa sallam bi ummati. Cinquièmement, qui est la compassion du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté. Car il craignait de leur faire subir quelque chose de trop lourd pour eux, car ce n'est pas tout le monde qui serait en mesure de tarder à faire le isha. Surtout que les gens, en cette époque, sont très pressés, que la salat doit être rapide, vite faite. Donc si on venait alors imposer de faire la salat, mesalène, en un temps plus tardif, eh ben cela serait pénible pour eux. Déjà, il y en a, ils se couchent tôt, ils travaillent le lendemain, on a, ils travaillent, ils ont des occupations, ou à casa. Donc cela ne serait pas de la rahma envers eux, de leur imposer cela. Mais ceux qui sont en mesure de le faire, cela est meilleur pour eux de le faire. Et que la législation islamique ne contient aucune gêne et aucune difficulté. Ce qui revient à ce qu'on vient de citer dans le cinquième point. Tout cela pour rendre la vie plus facile aux gens. Non. Azal lazi khazna liyom. Et là, c'était le dernier ders du Bab al-Mawaqit. C'était le dernier hadith du chapitre des horaires. Non. Et par la suite, on va entrer dans le chapitre de Bab fi shay'in min makruhat as-salah. Les choses détestables de la salat. Elle n'est pas la salat, mais qu'il ne faut pas faire pour la salat. À éviter. Non. Oui, là, voilà. Alhamdulillah.